Faut faire du bif, qu'est-ce que tu dors? Tu dois tes sous, en plus tu sors. Chaque t'es faux, alors j'fais genre. Tu sais jamais reconnaître tes doigts. J'aime quand ta bouche en body. T'as pu j'ai dans l'audi. Faut faire du bif du lundi au lundi. Tu portes plein d'où tu tires. Tu trahis, c'est la mort ou titi. J'ai pas dans un goutti. Ça va loin, on sort les outils. Ça tient pas ses promesses. Quand tu dis vrai, les vrais le reconnaissent. Ça rappe la rue que tous les reconnaissent. Tu portes plein d'eau, tu portes tes coronnes. Parti de rien comme Félix Gallardo. Maintenant, sous son RS3 Grinardo. Si t'as pas d'armes comme un pitado, c'est la bonne combinaison, alors un auto. Depuis l'époque où ça fumait dans le bloc. Pour pas un, y'avait des balles dans le Glock. Demande aux cousins, c'est par eux le proc. On leur met la tri comme les lots proc. La ZAN, les FAL, les colles. C'est trop la TAL. Les donneurs de coups. C'est chaud la détaille. Ça braque, ça déraille. Ça monte sur des bails. Goodbye si tu tailles. Plus le time, tu perds du time. C'est chaud. Ils me font les gros, ils sont bons qu'à parler. J'ai rendu raison et bon qu'à mailler. Ça apporte les couilles des gens. Ça se prend pour la relève. Ça pose des tailles le week-end. Ça mange des pâtes toute la semaine. Ça apporte les couilles des gens. Ça se prend pour la relève. Ça pose des tailles le week-end. Ça mange des pâtes toute la semaine. Je le disais, qu'avec des fils de pute, arrête de me faire le matrixé. T'as pas un, t'as pas de répute, qu'on soit en bande organisée. Tu vas pas loin si t'as pas de but, flash de faux voix aromatisée. Coup de la fenêtre, tu en dégustes. On la quitte, le aller d'aller, vol gratte, mon est parqué, palé. Pétard, ballon, j'suis dans le salon, elle en talon, elle a le talon. Ça joue les bandits. Et ça prend des longues peines, maladie. Iou, y'a pas un bli. Et ça prend des longs verres en boîte de nuit. Envoie les doses sans se la péter, sans faire les bosses. Ça lève les crosses, avant ça vole, ça tape, ça crosse, tape, ça crosse. Ça apporte les couilles des gens, ça se prend pour la relève. Ça pose des tailles le week-end, ça mange des pâtes toute la semaine. Ça apporte les couilles des gens. J'en trouve plus les mots. Venue de que t'aimes. C'est chaud. Tellement j'en trouve plus les mots. Elle me fait tourner la tête. Ce petit odeur me rend bête. Elle me fait oublier mon ex. Ou me faire entrer c'est embête. Tu m'en fous. Alors bitch is un d'aller. Non c'est trop et trop et trop. Vraiment je m'en m'emballer. C'est rude mon poteau. Pas une vie de château. On veut tout le gâteau. On veut pas des parts éclatées. T'as plus que ta fille. Chauffeur au décembre. Comme si drainité, tu me rappelles en décembre. Tu m'es touché, toi fais pas l'intelligent. Pour avoir des prix, tu vas coller les gens. Pigeon, nous y'a mission, on est présent. Wesh alors, mais sans force, ça se en prison. Ça apporte les couilles des gens. Ça se prend pour la relève. Ça pose des tailles le week-end. Ça mange des pâtes toute la semaine. Ça apporte les couilles des gens. Ça se prend pour la relève. Ça pose des tailles le week-end. Ça mange des pâtes toute la semaine. Boîte avec ton flash à la table, frangin. J'ai plus de boules qu'un joueur de pétanque. Tu vas en boîte, mais t'as pas assez pour Pojo. Entre parenthèses, la boulangerie de Bail. T'as du buzz, mais tu marches à pied. Tu fais des vues, mais tu pues. Tu snobs dans le Merco, mais c'est un Uber. T'as du buzz, mais tu baisses pas. J'ai vu ta gadget à la boulangerie de Bouguin. Il était 5h du matin. Fais tes comptes, tourne en rond. Et ça va, tu vas en boîte avec des gars. À la fin, c'est le DJ qui les baise. Quand tu es en boîte, que tu snobes des gros boules. Mais tu rentres chez toi, tu te fais des gros garrots. Tu te la tords. Qu'est-ce que tu as fait, gros? Tu t'accroches au bout des jambes, frère? Nah, pour de bon, mon bébé. Nah, t'as pas honte, tes frères. Oh, les clés, oui. Tu les tapes un peu ou pas? Elles tartent les épées, m'en donner, frère. Comme ils se pincent à droite, à gauche. Mais ce qui se passe, t'as dormi dans un plat. Roller. Chope-le. Chope-le le bourricot. Quête-le. Quête-le. Il est parti à Fribourg, on va aller chercher le revenu. Et merci DP. Sur PP.